La Partenza par Camille Mauclair. Ce matin de Pâques, les jardins Boboli étaient déserts. Marcel Montarieul s'y promenait, enivré du renouveau. Les arbres en fleurs illuminaient, comme des reposoirs, le fond sombre et oxydé des ifs de porphyre vert, les charmilles brunes tigraient des jeunes pousses du buis. Les statues moussues, les margelles des bassins de marbre, disloquées d'éteintes, rosissait sous un ciel traversé de bandes d'or et d'argent. Aussi loin que s'étendit la vue, on n'apercevait personne dans les allées immenses et mélancoliques. Marcel Montarieul monta sur la plateforme du belvédère rouge. De là, Florence se révélait tout entière, pourtant encore mystérieuse dans le voile des brumes diaphanes que le soleil faisait fumer sur l'Arno. La tour du berger était fine et pâle auprès du dôme pareil à une sphère d'or. La seigneurie et Sainte-Marie-Nouvelle avaient presque la couleur de la chair vivante. Le reste de la cité se pastelisait de cendres lilacées où parfois scintillait une vitre. Les groupes de cyprès coagulaient leur noirceur dans le flot tendre et changeant de ces buées laiteuses et irisées qui cachaient et montraient Florence, tout à la fois, comme une mousseline dénonce le secret du corps nu qu'elle dérobe. Au-delà de cette plaine fleurie et vaporeuse, où l'Arno brillait par éclairs, tout devenait pureté, douceur, frisson azuré, imprécision radieuse et splendide, à mesure que les yeux s'élevaient aux collines en cirque, à la hauteur de Fiesole, aux contreforts veloutés semés de villas blanches, aux crêtes où, perdues dans le mirage de la lumière effractée, les neiges de l'Apennin se diamantaient dans l'azur libre. On n'entendait point d'oiseaux, mais le chant des cloches était universel. Toutes sonnaient à la fois, et les sonorités, sur l'harmonieux paysage, semblaient imiter la féerie de la clarté. Les notes sombres se mélangeaient en une nappe de vibrations lourdement diffuses, pareille à la brume de chaleur. Les notes claires y restaient distinctes et vives, piquées comme les aigrettes étincelants des arbres en fleurs. C'était une merveille sonore dans une merveille lumineuse, un hosanna puissant dans un cantique de candeur, et Marcel Montarieul, oppressé de tant de gloire et d'amour, songeait à sa solitude, à la tristesse promise à toute âme d'élite, qui, sans confidence possible, assiste à la beauté. Du balcon du belvédère, il se détourna pour contempler l'ensemble des jardins Boboli. Dans l'allée qui monte depuis le maussade en verre du palais Pitti, formidable prison de chef-d'œuvre, il vit alors surgir une jeune femme qui traînait sur le sol clair une petite ombre. Elle était vêtue d'une jupe plate, d'une chemisette claire, d'un très simple chapeau blanc et portait un mantelet sur son bras. Plus proche, il la vit blonde, jolie et fragile, avec de grands yeux de souffrance intelligents. Elle haletait un peu. Il se rangea pour la laisser passer et salua avec une déférence instinctive. Elle le regarda franchement. Ils eurent l'impression mutuelle de se connaître depuis longtemps déjà, et quelques instants après, ils se parlèrent. Rien n'étonnait Montarieul dans les rencontres qu'un artiste isolé peut faire à Florence. La diversité des êtres et des âmes qu'on y trouve lui était familière. L'art y écarte toute convention et y épure toute infraction à la banale rigueur des usages. On y parle d'emblée, comme au concert, de beauté sentie profondément en commun. La jeune femme, ou plutôt la jeune fille, savait cela comme lui. Tous deux furent contents de n'être point seuls dans l'adoration de ce matin charmant et sublime. En quelques phrases, Montarieul apprit que la visiteuse des jardins était anglaise par sa mère, passionnée d'art italien, un peu poétesse, orpheline et, chaque année, fidèle au printemps florentin. Le soleil montait, la chaleur devenait vive. Tout en causant, les deux jeunes gens gagnèrent les ombrages. Une heure après, ils étaient devenus amis au point que Montarieul se dépita en voyant approcher l'heure du déjeuner. Sa compagne sourit, expliqua gentiment « Je ne suis pas pressé, ni obligé de rentrer à l'hôtel. Je vis dans une famille de vieux amis de mon père, très librement. Ils sont très bons, un peu ennuyeux. Aujourd'hui, ils sont tous partis en excursion et j'ai préféré rester seul à Florence. » Souvent je déjeune en de petits restaurants quand je m'attarde au musée, à Pitti ou au palais Riccardi, par exemple, qui sont loin de ce pompeux et froid Lugarno où j'habite. Je ne crains pas l'albergo, si amusant, et c'est plein un peu terrible parfois. Vous êtes français et artiste. Voulez-vous que nous prenions ce repas ensemble? Nous continuerons à nous quereller sur Bronzino, que vous n'aimez pas autant que je le souhaiterais. » Ils furent très gais pendant une heure, sous les vignes dorées d'une pergola. Maud était charmante, et Montarieul la considérait avec un affectueux plaisir. Il remarqua qu'elle toussait un peu, d'une mauvaise toux, et s'inquiéta. Elle dit doucement, « Oui, je ne vais pas bien, mais ce n'est pas intéressant. Écoutez les cloches, comme elles chantent clair. Ce sont de grands oiseaux de joie qui planent sur la belle Florence. Comme j'aime la légende de leur voyage à Rome, de leur retour aujourd'hui. Vraiment, on les voit revenir. Mais j'aime aussi le jour triste où elles furent en partance, où tous les colombiers mystiques de la ville furent vides de leurs oiseaux sonores. En partance, la partenza. C'est plus beau que le retour, ce mot et cette idée-là. Il y a des êtres qui sont faits pour revenir. Et un petit nombre qui sont créés uniquement pour cette partenza, et je suis de ceux-là, moi. » Elle céda à une rêverie singulière qui émut douloureusement Montarieul. Ils se promenèrent encore, sans presque parler. Puis vers 4 heures, elle lui demanda, « Puisque je ne vous ennuie pas, puisque vous êtes si bon d'accepter le caprice d'un tel jour, voulez-vous rentrer en ville avec moi, après la glorieuse solitude ensoleillée de ces jardins? Je voudrais voir l'ombre profonde du dôme. » Il acquiesça. Depuis longtemps déjà, il n'essayait même plus de se demander s'il l'aimait. Elle était dans sa vie comme depuis toujours, et il cédait auprès d'elle à la douceur des pensées communes. Elle marchait contre lui avec une sorte de joie calme et un peu mystérieuse. Quand ils arrivèrent dans l'énorme nef, les offices étaient finis, les ténèbres s'étoilaient de points d'or. Ils allèrent s'asseoir tout au fond, derrière le groupe formidable de Michel-Ange, à la place même où les Pazzi tirèrent leurs poignards. Montarieul craignait le froid pour Maud. Malgré son manteau, elle frissonnait, et soudain elle toussa. « Venez, dit-il, il vaudrait mieux. » Mais elle posa la main sur son bras et l'entraîna. Ils s'assirent. Elle dit très bas, « Il faut que je vous parle. » Et alors, cette joie, cette lumière, cette intelligence, cette naissance délicieuse d'un libre amour, sombrèrent dans une affreuse noirceur, car tout à coup, Marcel entendit que Maud sanglotait, et elle murmura. « Il ne faut pas m'aimer. Il ne faut rien savoir de moi. Je suis Maud, vous êtes Marcel, et voilà tout. Et voilà tout. Je vous demande de me pardonner. Je suis intervenu pour un jour dans votre existence saine et heureuse, et je vois dans vos yeux que vous avez pitié, que vous comprenez. Je suis très malade, sans en rien dire jamais. J'ai la maladie de maman, et on ne me le dit pas, et on croit que je ne le sais pas. Je suis perdu, et vous ne me reverrez pas au printemps prochain dans les jardins Boboli. Je serai là-haut, dans le brouillard, dans un coin vert, sous la terre du froid pays où je n'ai pas voulu rentrer vivante et qui m'attend, et qui aura mon corps, tandis que mon âme restera ici, et chantera sa pauvre chanson dans l'hymne des cloches de Pâques. Non, non, ne me dites pas que je peux me sauver. Vous êtes intelligent. Ne me dites pas ce que me disent les autres. Et sachez que je vois vrai, que je suis sûr. Seulement, j'ai peut-être eu tort de vous apporter de la peine en me faisant connaître de vous. Il faut me le pardonner. Allez, il faut me le pardonner. Je voulais, voyez-vous, pour un jour, un seul, un des derniers, avoir à cette date d'allégresse universelle l'illusion de la vie auprès d'un homme qui aime et qui comprend, l'illusion de l'existence complète. Et j'ai voulu cela. Et vous m'avez fait ce cadeau de Pâques, et de cela je vous remercie longuement, infiniment, avant la partenza. Et à présent, Marcel, il faut que je vous quitte. Je vais me lever, je ne ferai pas de bruit, je ne serai même pas visible dans cette ombre lourde. Vous ne me sentirez pas m'en aller. Ce sera la partenza définitive, mon premier pas décisif vers la région éternelle. Vous ne vous rappellerez que ma figure dans le soleil des jardins Boboli, ma figure de blonde sous la treille dorée de l'albergo, et vous vous direz, j'étais le témoin de son cœur sincère, et vous songerez que je suis parti en vous chérissant. Vous ne me voyez plus du tout. Je suis debout. Je m'en vais. Ne dites rien et ne remuez pas. » Il resta inerte, glacé. Alors il sentit ses joues saisies par de petites mains moites et brûlantes, et une bouche se posa sur la sienne, et dans le baiser se glissa la saveur amère d'une larme. La voix chuchota encore. Cela, il le fallait aussi, avant la partenza. Le bruit doux d'une robe frôla les chaises, et dans l'ombre colossale de la cathédrale, une petite ombre féminine se déplaça et disparut. C'était la partenza par Camille Mauclerc.